dans mon jardin, mais j'ai pas de jardin. Que devant ma maison, mais j'ai pas de maison. J'ai pas de bateau. Un jour je m'en irai, va savoir où j'irai. C'est écrit dans la fleur, elle en a des projets, cette fleur. Si c'est une chanson, je l'ai faite pour toi, toi qui n'existe pas. Je la chante à la fleur, elle en sait des secrets, cette fleur. À respirer la rose des vents, la tête me tourne. La tête me tourne.